Il faut te décider, ma jolie bergère. Je crois qu'il faut te décider. Roland veut t'épouser et tu aimes Pierre. Je crois qu'il faut te décider. Choisis l'un ou l'autre si tu n'as pas envie de perdre par ta faute Pierre et Roland, le dauphin du roi ou le berger. Oui, il faut te décider. Plutôt des royaumes à te donner, une couronne à garder.